On se souvient de l'Oluron, un soir à la télévision, qui jeta un froid dans les rangs de Mitterrand. Aujourd'hui, le gouvernement peut bien faire sans remaniement. C'est bien trop tard, leur bête en cours. Toi qui passes pas sous les échelles, par crainte et par superstition, sais-tu qu'ils volent vers les Seychelles ton pognon? Elle s'est achetée l'île d'Aros, la dame qui roule en carrosse. Le paradis à 3 sauts de liane, c'est pour Liliane. Crois-moi, l'emmerdant c'est la rosse, l'épine du gouvernement, qui te gouverne et qui te ment quand toi tu bosses. Crois-moi, l'emmerdant c'est la rosse, l'épine du gouvernement. Crois-moi, il est grand temps que tu le rosses.